Chaque bijou renferme un secret, une histoire d'amour ou de séparation, un mythe ou une malédiction. Découvrez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels qui vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. À retrouver prochainement sur toutes les plateformes d'écoute. France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, les licenciements boursiers chez Michelin ou l'impuissance de l'État. Septembre 1999, l'économie française est à la croisée des chemins. Demain interviendra le temps de l'euro et de la mondialisation débridée. En attendant, le patronat français a toujours en travers de la gorge le passage aux 35 heures décidé par le gouvernement de Lionel Jospin. François Michelin, lui, dirige depuis 50 ans la plus prestigieuse, la plus rayonnante, mais surtout la plus secrète des entreprises françaises. Il règne en maître sur l'Auvergne, entretenant la légende du bibendum, sa mascotte. Parce que Michelin, ce n'est pas que des pneus, des cartes, des panneaux indicateurs, un tortillard jaune et rouge, la Micheline, ou des étoiles pour Grand Toc, non. C'est tout un monde forgé dans un paternalisme d'un autre temps, et c'est une ville mono-industrielle, Clermont-Ferrand, entièrement dévolue aux seigneurs du caoutchouc. Mais en septembre 99, le grand roman paternaliste prend fin, brutalement. La direction de Michelin annonce une hausse de ses bénéfices en même temps qu'une suppression de 7500 emplois en Europe. Qui a pris cette décision qui choque tant? Les patrons ou les actionnaires étrangers? L'affaire prend évidemment une tournure politique et met au défi Lionel Jospin qui ne trouve pas d'autre réponse que ce constat qui désespère les travailleurs à qui il s'adresse. L'État ne peut pas tout. Dès lors, la messe était dite. Notre invité aujourd'hui, Marc Chevalier, rédacteur en chef du magazine économique Alternative Économique, Alter Echo pour les intimes. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Bastien Jans, rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Denante. Réalisation, Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 9 septembre. Michelin supprime des emplois pour augmenter ses bénéfices. Les réactions boursières sont très favorables. Les réactions syndicales évoquent une provocation. C'est ce que l'on appelle la logique du marché, celle de l'économie ultralibérale. Pour augmenter ses bénéfices, il faut réduire ses coûts et donc diminuer ses effectifs. Pour Michelin, qui a annoncé hier une hausse de 17% de son résultat net semestriel, cette logique conduit à supprimer des emplois, 7500 en Europe. En bourse, on s'est félicité, mais à Clermont-Ferrand, élus et responsables syndicaux s'indignent ou se révoltent. 9 septembre 1999, la nouvelle fait l'ouverture du 20h. L'annonce de 7500 suppressions d'emplois. Alors même que la direction de Michelin se félicite d'une hausse de près de 20% de ses bénéfices semestriels, à tout du scandale. Et le timing est aussi surprenant que la communication du groupe. Ce sont les analystes financiers et les actionnaires qui ont été avertis en premier. Michelin leur promet un délestage de 10% de ses effectifs européens pour préparer la performance de demain et concurrencer le japonais Bridgestone et le tout-puissant américain Goodyear. Bien loin de saisir tous les enjeux de cette guerre mondiale du pneu, les salariés clermontois en sont réduits à faire des prédictions. Quelle usine va fermer? Qui va perdre son poste? Les ferments d'une nouvelle crise sociale sont posés et la rentrée de septembre s'annonce déjà mouvementée pour les membres du gouvernement socialiste de Lionel Jospin. Ceux-ci affichent pourtant une mine décontractée dans les allées boisées et de Rambouillet pour leur séminaire gouvernemental de rentrée. Cueillis par la brutale actualité, les ministres Voynet et Guesso, une verte et un communiste, tout comme le chef du gouvernement lui-même, sont bien obligés d'improviser une réaction scandalisée. Le deuxième dossier, c'est Michelin, où un plan social se prépare. La majorité plurielle est choquée, les ministres aussi. Une entreprise qui fait des profits et qui licencie, c'est assez incompréhensible pour des gens normaux. Insupportable d'apprendre à la fois que des profits considérables sont réalisés et qu'on s'apprête à, à régresser, à diminuer les effectifs, à licencier, ça c'est... C'est façon de s'exprimer à l'égard de nos concitoyens assez étonnante et qui fait se demander parfois si nos patrons mesurent bien ce qu'ils disent, le fait qu'ils vivent dans une société démocratique. De toute façon, il y a des règles dans notre pays. Trois jours plus tard, Lionel Jospin arrive tendu dans les studios de France Télévisions où il est attendu pour son grand oral de mi-mandat. Dans le 20h de Claude Sérillon, les premières questions tourneront évidemment autour de ce qu'on appelle désormais l'affaire Michelin. Depuis trois jours, la classe politique de gauche, PS et PC, de concert avec la plupart des médias nationaux, s'insurge contre la décision des patrons de Michelin, accusés d'être à la solde des actionnaires. Par la voix de Robert Hue, à la fête de l'humanité, le Parti communiste français relance l'idée de réinstaurer un contrôle administratif sur les licenciements. Le PS, lui, plus mesuré, comme d'habitude, fustige l'archaïsme de ce grand patronat qui méprise ses salariés et qui résonne comme au XIXe siècle. Le très libéral quotidien L'Écho réplique. Dans son édito, Patrick Lam attaque les donneurs de leçons socialistes, qui, selon lui, ferait mieux de réduire les charges et les impôts pour aider les entreprises, plutôt que de saboter l'appareil de production français avec la loi sur les 35 heures. Classique argumentation de droite. En tout cas, les patrons, l'État et le marché mondial, c'est peu de dire que l'affaire des licenciements chez Michelin est chargée de symboles, et que la réaction de Lionel Jospin est attendue. Mais le Premier ministre se montre prudent, ne se détachant pas de son ton professoral. Se félicitant d'abord de son action pour réduire le chômage, il devient plus ambivalent au moment où Claude Sérillon l'amène sur le terrain de Michelin. Première chose, est-ce que vous avez vraiment des marges de manœuvre, vous, gouvernement, vous, l'État, pour intervenir lorsqu'une entreprise comme Michelin décide de licencier au nom d'une rentabilité meilleure et au nom du fait que des fonds de pension lui commandent d'agir ainsi? Je trouve cette décision choquante. Et je suis un peu surpris de voir qu'un certain nombre d'observateurs ou de commentateurs, parfois d'acteurs, font comme si c'était fait. Les patrons de cette entreprise, ils viennent de voir comment ont réagi les Français. Ils viennent de voir à quel point l'opinion, elle aussi, a été choquée. Les salariés existent. Il y a des syndicats. Il y a une mobilisation qui peut se mener. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement. Il faut aussi que se mobilise à la fois l'opinion et les salariés de l'entreprise. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Certes, mais un peu quand même, voire beaucoup. Il ne faut pas tout attendre de l'État. La petite phrase du Premier ministre pourrait sembler anodine. Elle énonce pourtant une terrible vérité qui ne fera que se confirmer dans les décennies suivantes. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Car pour les salariés de Michelin, tétanisés par la certitude qui entoure le maintien de leur emploi, l'heure est cruciale, évidemment. De la petite phrase de Jospin, reprise en boucle dans les médias le lendemain, une seule analyse s'impose dans les esprits. Non seulement l'État ne peut pas tout, mais on pressent qu'il ne peut pas grand-chose, sinon rien. De l'aveu même du Premier ministre, seule une mobilisation massive peut sauver les emplois Michelin. Bien. Sauf que dans une entreprise dans laquelle les grèves sont rarissimes et où le taux de syndicalisation n'est que de 4%, c'est loin d'être gagné. Et puis rappelons-le, nous sommes ici à Clermont-Ferrand, dans une ville qui a pris le pli de ne pas se rebeller contre la toute-puissante dynastie Michelin, qui, rappelons-le, loge et nourrit la moitié de la cité depuis 100 ans. Michelin, Michelin, Michelin, Michelin. C'est moi le bip de Michelin, ça fait bien, bien des années que je roule mes pneus un peu partout dans le monde. Pour nous, mon bip est le premier, c'est pas pour rien que Michelin, c'est tout la différence. C'est l'une des plus grandes stars françaises. Sa silhouette boudinée a fait le tour du monde. Le bonhomme Bibanum, la mascotte de l'entreprise Michelin, connaît depuis les années 50 une nouvelle notoriété. Il faut dire que le nouveau président des manufactures de Clermont-Ferrand, François Michelin, petit-fils du fondateur, compte bien laisser une trace dans le monde du pneu et faire passer un cap à l'entreprise familiale, alors que Michelin, rappelons-le, est déjà l'une des premières entreprises françaises. Sa gomme noircit les chaussées de tout l'Hexagone, sa célèbre Micheline a transporté des millions de voyageurs sur les rails, tandis que son non moins célèbre guide conseille les touristes du monde entier dans la forêt des restaurants et des hôtels français. Bref, Michelin, c'est l'art de vivre et le goût de l'aventure à la française. Et c'est une réussite industrielle absolument extraordinaire, connue mondialement, c'est ce qu'on appelle un fleuron. Dans les années 50, François Michelin rêve de conquérir le monde. Et pour cela, il va s'appuyer sur l'invention d'un ancien ingénieur de la firme, longtemps laissé dans les tiroirs, le premier pneu à carcasse radiale. Autrement dit, moins énergivore, plus durable, qu'on doit à un certain Marius Mignol, l'ingénieur. L'invention avait inquiété dans les couloirs de Michelin. Comment ça, plus durable? Mais ça va à l'encontre des affaires. Un bon produit pour un industriel à l'époque, c'est un produit à obsolescence programmée. Mais si le produit est durable, les gens n'auront plus besoin de changer leurs pneus. Ça revient à scier la branche sur laquelle on est assis. Mais non, en fait, raisonnement basique. François Michelin, lui, voit plus loin. Le monde occidental entre dans l'ère du tout automobile. Il n'y a aucune limite à ce marché. Encore faut-il le dominer. Alors, ni une ni deux, Michelin équipe les Citroën 2 chevaux de ses pneus révolutionnaires. Et 10 ans plus tard, en Amérique du Nord, le pneu radial a conquis 100% du marché. Rien ne peut arrêter alors l'ascension de l'entreprise Michelin. Et certainement pas les revendications de mai 68. Ni même cette grande grève de 77 des ouvriers clermontois qui s'offusquaient du nouveau rythme de travail imposé par la direction, incluant le samedi. Et pour cause, François Michelin ne cède jamais sous la pression des syndicats. Non, jamais il n'accepte de négocier. Les chiens aboient, la caravane passe. Les grèves sont si rares à Clermont-Ferrand qu'elles sont particulièrement remarquées. Les commerçants de Clermont tirent alors le rideau, les rues sonnent creux, comme si, pendant les quelques semaines durant lesquelles les ouvriers osent défier le patron, la ville entière retenait son souffle. Mais en 88, 10 ans après la grève de 77, 11 ans même, voilà qu'un nouveau mouvement de colère embrase la capitale auvergnate. Depuis 1977, il n'y avait pas eu de mobilisation générale chez Michelin. Mais depuis hier, la colère gronde chez les salariés à la suite d'une augmentation de 20 centimes par heure accordée par la direction. Cet après-midi, le négociateur a été sorti de son bureau et de l'usine par les militants en colère. Le mécontentement est grand, vous prenez la responsabilité, vous, de ce qui se passe aujourd'hui. Absolument. Et si vous êtes pour la première fois dans l'histoire de chez Michelin dans cette place, aux alentours des travailleurs, c'est à vous, c'est votre faute. Est-ce que vous allez négocier? Je sais pas, vous répondre moi là-dessus. Vous allez pas, il veut pas négocier, bien sûr. Il veut pas rien négocier, tu parles bien que... Mais répondez, monsieur. Pour la première fois depuis 10 ans, les ouvriers Michelin osent braver la direction du géant du pneumatique. Il faut dire que la dernière coquetterie du patron est reçue comme une humiliation par les ouvriers. 20 centimes d'augmentation par heure. Après des semaines de mobilisation, c'est quand même un petit miracle. Pour la première fois, la direction accepte de négocier. Et fait rarissime, sur la base d'une augmentation, cette fois, de 50 centimes de francs par heure. Les journalistes de la France entière squattent alors, non sans curiosité, les abords des sites historiques des usines Michelin, à Cataroux, Champmerle, Combaude, Gravanche. 17 000 salariés travaillent entre ces murs, et la grève en trouve une fenêtre pour entrevoir ce qui se passe dans la forteresse la plus secrète des entreprises françaises. Car depuis toujours, ce qui se passe chez Michelin reste chez Michelin et à Michelin. Aucun étranger, pas même le président de la République, ne peut pénétrer dans l'enceinte de celle qu'on appelle dans la région la Grande Muette. Partout autour, pourtant, la puissance et l'influence du bibendum est perceptible. Cité ouvrière, maternité, école, dispensaire, clinique coopérative, tout à Clermont-Ferrand a été plus ou moins construit par Michelin. Dans un esprit paternaliste qui a forgé la société clermontoise depuis le début du XXe siècle. D'ailleurs, François Michelin, fervent chrétien, se plaît, selon la légende, à rappeler qu'il est ici le seul patron après Dieu. Monsieur François, comme on l'appelle dans les couloirs de l'entreprise, est un homme autant craint que respecté. Il cultive une certaine simplicité, teintée de proximité avec les salariés, aussi omniprésent à l'intérieur de son entreprise que discret à l'extérieur. les voies du seigneur Michelin sont impénétrables. Alors quand François, le pape du pneu, accepte enfin en 1993 de répondre aux journalistes de France Inter, c'est le signe que quelque chose est en train de changer dans la culture d'entreprise Michelin. J'ai rencontré, il y a que je fais ce métier, une attitude extrêmement bizarre vis-à-vis des chefs d'entreprise dans le domaine des licenciements. J'ai toujours eu l'impression que, encore récemment, que beaucoup de gens croyaient que les patrons avaient une joie sadique à foutre des gens à la porte. C'est une impression que vous avez ? Ah oui, alors, licencier du monde, c'est un drame épouvantable. Alors, de croire qu'on peut avoir la joie de licencier du monde, je trouve ça absolument scandaleux. On est resté en 1848 ou un peu plus tard avec le manifeste de Karl Marx. Vous voulez dire que vous, François Michelin, comme les autres chefs d'entreprise, vous ne licenciez qu'en tout dernier recours ? Exactement, et généralement les banquiers et les actionnaires et les financiers nous disent que nous sommes trop charitables et un peu trop philanthropiques. Mais les états d'âme de François Michelin ne pèsent pas lourd face à ce que lui dictent les oracles du marché. Depuis le début des années 80, l'Empire s'étiole. Le second choc pétrolier a mené le groupe au bord de la faillite. Entre 1982 et le début des années 90, les plans sociaux s'enchaînent. Plus de 10 000 postes ont déjà été supprimés à Clermont. La production est délocalisée. Seuls les cadres et les ingénieurs semblent avoir un avenir dans la capitale auvergnate. Et si l'on en croit les quelques récits ouvriers qui ressortent de cette période, ces plans sociaux s'orchestrent avec une grande violence. En octobre 93, au moment même où François Michelin s'épanche au micro de France Inter, les petits chefs, les cols blancs, sont en quête de 183 nouvelles têtes à couper au sein des usines clermontoises. Dans son ouvrage autobiographique intitulé « Matricule F-276-710 », Jean-Michel Frixon, 43 ans de carrière dans l'entreprise, raconte cette journée spéciale d'octobre, quand son chef de service est venu lui annoncer son licenciement économique, non sans quelques mots doux en guise de cadeau de départ. À mon sens, monsieur Frixon, vous n'êtes qu'un inutile et un parasite. Même le personnel de service de nettoyage possède tous le certificat d'études, ou parfois même le BEPC. J'étais abasourdi, hébété, sidéré, médusé. Au-delà du verdict, jamais je n'oublierai les mots prononcés par ce chef de service dans ce vomi de propos insultants et humiliants à la fois. Non, jamais je ne l'oublierai. En quelques secondes, un cyclone d'avilissement moral me dévastait, puis m'anéantissait. Détruit est bien le mot. Je peux comprendre et admettre le licenciement, mais en aucun cas je ne peux accepter, et pour qui que ce soit, un tel irrespect de la personne. Des mots doux en forme de mots durs, si M. Frixon échappe de peu au licenciement, au prix d'un reclassement pour un petit poste en usine, sa voisine de bureau, elle, n'a pas la même chance. Elle est dégagée manu militari, elle et ses affaires emballées à la va-vite dans un grand sac en plastique, le tout dans un silence assourdissant. Elle se suicidera un mois plus tard. Mais c'est comme si la violence de ses agissements n'entamait jamais la popularité du patron. Dans le livre de Frixon, ce sont bien les petits chefs, les managers, qui sont tenus pour responsables de la déshumanisation du travail, jamais la direction. Et jusqu'à sa mort, François Michelin sera toujours entouré de cette aura bienveillante, celle d'un cato social proche des petits métiers et des ouvriers. Derrière ce paternalisme humaniste affiché en étendard, François Michelin dissimule pourtant de moins en moins ses positions ultralibérales et son appétit insatiable. Un simple et laconique communiqué pour annoncer le début d'un leadership mondial. Dans son rachat d'Uniroyal Goodrich, le Bibendum a confirmé sa réputation de force tranquille de l'industrie française, une force qui lui permet désormais de mener au point dans le combat de titans qu'il oppose depuis toujours à l'américain Goodyear. Les comptes sont vite faits, le chiffre d'affaires de Goodyear était en 88 d'un peu plus de 65 milliards. En s'adjoignant Uniroyal, Michelin passe de 51 à 70 milliards. Dans les années 90, François Michelin lance son entreprise avec perte et fracas dans le grand jeu des fusions-acquisitions aux États-Unis, à l'instar d'autres groupes français comme Usinor, Lafarge, Accor, AXA ou Saint-Gobain. Résultat, les endettements sont énormes, les retours sur investissement ne sont pas à la hauteur et les directions françaises se voient obligées de composer avec les désirs des investisseurs étrangers. Alors, un seul mot d'ordre s'impose pour satisfaire les actionnaires, réduire les coûts. Afin de digérer l'acquisition de l'entreprise américaine Union Royal Goodrich, qui met de nouveau le groupe au bord de la faillite, Michelin s'adjoint les services d'un jeune cost killer promis un avenir brillant, un certain Carlos Ghosn, envoyé aux États-Unis pour faire le ménage. Autrement dit, viré à tour de bras. À ses côtés, François Michelin a placé son fils Édouard, son successeur désigné. Regarde et apprends. Alors que le vieux François a forgé sa légende autour de ses quelques années de formation dans un atelier, au contact du caoutchouc et des ouvriers, c'est bien dans la violence sociale du néolibéralisme qu'il envoie son fils s'endurcir. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. Je revenais du travail, personne ne m'attendait. J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce quelqu'un s'emportait. Je revenais du travail et seul me retrouvais. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je recherchais le travail, là, plus tout seul j'étais. Je recherchais du travail, où je suis, il faisait. Je renonçais au travail, qui alors m'ignorait. L'appartement de taille, à être intimidant. Pour l'homme seul me poussait à chercher du travail. Qui maintenant m'attend et m'attendra longtemps. Qui maintenant m'attend et m'attend et m'attendra longtemps. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les licenciements boursiers chez Michelin ou l'impuissance de l'État. Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. 1997, François Michelin se fait vieux. Il est bientôt temps de quitter la scène, mais non sans mener un dernier combat. Les socialistes, avec leurs alliés communistes, sont revenus au pouvoir en France et ont fait ressurgir une vieille idée de gauche qui a de quoi faire frémir le patronat français. La réduction du temps de travail hebdomadaire de 39 à 35 heures, inscrite dans la loi. La menace fait effectivement exploser le CNPF, le syndicat des patrons. Jean Grandois, son président, a claqué la porte des négociations avec l'État. De toute façon, François Michelin a toujours trouvé le CNPF trop mou face au pouvoir politique. Et d'ailleurs, il l'avait quitté suite aux accords de Grenelle en mai 68, accord jugé trop compatissant avec les salariés. Mais dans cette bataille des 35 heures, il compte bien monter au créneau et défendre l'intérêt de sa caste, le patronat. Il profite ainsi de la venue du président Chirac à Clermont pour sortir de sa légendaire réserve et mettre de l'huile sur le feu. Comme on peut l'entendre ici au micro des journalistes de France 2 à la fin du reportage. La solution est dans l'aménagement du temps de travail, qui dans le monde d'aujourd'hui ne peut pas être imposé, mais doit être négocier au cas par cas au sein des entreprises. Le président de la République affirme donc à la fois son opposition à une loi contraignante pour la réduction du temps de travail et son encouragement au dialogue social. Une volonté d'apaisement qui n'est pas partagée par tous. J'ai interrompu le dialogue. Vous venez pas le savoir. Monsieur Gandois a été floué. On lui a menti. Sa dignité, c'était de pousse-le-camp. Et il a eu raison. Et je peux vous dire une chose, c'est que la paire de chiffres qu'a reçu M. Gandois, l'ensemble des patrons l'a reçu, ainsi que l'ensemble de tous les responsables de l'entreprise, y compris le balayeur, qui est parfaitement conscient des difficultés du métier. En 1998, alors que la loi Aubry est passée, François Michelin, que vous venez d'entendre donc, fait paraître un livre entretien vendu à plus de 50 000 exemplaires, qui s'affiche comme une réponse cinglante aux socialistes. L'industriel fait alors tomber le masque du doux paternalisme et ne cache plus sa conversion aux idées les plus absolues du néolibéralisme. Dans son brûlot, il répète sa haine viscérale du marxisme, déplore jusqu'à la présence même de la notion de lutte des classes dans les manuels scolaires, s'époumonne contre les idéologues au pouvoir, de Blum à Jospin en passant par De Gaulle, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Et d'ailleurs, n'est-ce pas le passage de 48 heures à 40 heures de travail hebdomadaire en 1936 qui a fait perdre la guerre à la France? Les Allemands, eux, travaillaient pendant que les Français prenaient leur congé. Pour Michelin, c'est clair, il n'y a de compte à rendre qu'aux clients et aux actionnaires. Au-dessus de lui, il n'y a que Dieu et le marché, bien sûr, deux notions qui, dans son esprit, se confondent. Alors que le bonhomme Michelin fête ses 100 ans, la grande passation de pouvoir est orchestrée. Édouard Michelin, l'Américain comme on le surnomme, revient au pays plein de grandes idées pour faire entrer l'entreprise dans la modernité. Un cap qui pour les salariés sent le sapin. C'est l'heure de la relève à l'usine de Cataroo, rituel immuable, le chassé-croisé des ouvriers. Un peu particulier aujourd'hui car la manufacture va changer de tête. De toute façon, on s'y attendait, un jour ou l'autre ça devait arriver. Et puis ben, on va voir ce que ça va apporter à l'entreprise maintenant. Ça va rien changer pour nous. Ben, ce serait bien pareil, parce que c'est bien la même famille, ben, c'est bien toujours. On s'y attendait, quoi, mais bon. Cette passation des pouvoirs, c'est le changement dans la continuité. Diplômé de l'école centrale, Édouard Michelin fait ses premières armes dans la manufacture en 1989. D'abord en France, mais très vite il part aux États-Unis. De 91 à 93, il complète outre-Atlantique son apprentissage de dirigeant d'entreprise. Disons qu'il a des idées plutôt américaines, lui. Que le père serait plutôt sur, pour dire, pour maintenir par là, alors que le fils serait plutôt pour délocaliser. Nous sommes en septembre 1999, Édouard Michelin n'a pas traîné. D'ailleurs, plus tard, dans les colonnes de Paris Match, il regrettera une erreur de communication, mais ne reniera rien sur le fond. Non, il ne reniera en rien sa décision courageuse, dit-il, parce que dans l'intérêt du groupe. Méprisant ceux qui médisent sur sa prétendue attitude de cow-boy biberonné au McDonald's américain, il se pose, lui, en homme moderne, prêt à faire entrer l'industrie française dans une nouvelle ère. Et en septembre 99, l'annonce des 7500 suppressions d'emplois couplées à des bénéfices records suscite l'indignation et la suspicion de tous, même du consultant économique de TF1. Mais pour revenir à Michelin, Jean-Marc Sylvestre, on a vraiment besoin d'explications parce que jusqu'à présent, c'était quand même plutôt les entreprises qui réalisaient de mauvaises affaires, qui licenciaient ou qui supprimaient les emplois. Et là, dans le cas présent, personne ne comprend. Et c'est d'ailleurs très choquant, hein. On l'a vu, 10% d'effectifs en moins et dans le quart d'heure qui a suivi, 10% et plus de plus-value boursière. Vous êtes mieux. Ce qu'il faut savoir, vous savez, c'est que les dirigeants des grandes entreprises françaises, aujourd'hui, Michelin et des autres, sont obsédés par la compétition internationale, bien sûr, mais ils sont aussi obsédés par leur cours de bourse. Ils vivent sous la pression permanente des marchés financiers qui exigent des rentabilités financières toujours plus fortes. Et s'ils ne répondent pas à cette exigence, eh bien le titre baisse et l'entreprise devient alors fragile, vulnérable. Dans le métier, on appelle ça un coup de ciseau. Mais pour le grand public du début des années 2000... pas encore habitué au grand jeu du libéralisme mondialisé, ce cynisme apparaît inédit. D'autant que très vite, un chiffre revient en boucle dans les médias, 12,54. C'est le pourcentage de la hausse de l'action de Michelin le 9 septembre 1999, soit le lendemain de l'annonce des 7500 suppressions d'emplois. On ne parle pas encore de licenciement boursier. L'expression sera inventée 2 ans plus tard. Mais c'est bien en ce sens que la manœuvre est comprise. La suppression des emplois ne viserait au fond que les intérêts des actionnaires. Nous entrons alors de plein pied dans un monde où la valeur capitale l'emporte sur la valeur travail. Et le choc est d'autant plus brutal que Michelin n'est pas n'importe quelle entreprise. On l'a dit, symbole de la réussite de l'industrie française. Le Bibendum apparaît encore comme un temple du capitalisme panéraliste à l'ancienne. Certes, la firme ne domine plus l'économie de la région comme elle le faisait dans les années 70, quand elle employait près de 30 000 personnes et générait 50% des revenus fiscaux d'Auvergne. Parce que 8 plans sociaux sont passés par là. Mais tout dans la ville rappelle l'influence du fabricant de pneus. Et c'est tout naturellement que toute la cité se met à trembler quant au devenir économique de la région, michelino-dépendante et déjà gangrénée par le chômage. Mais le malheur ne s'abat pas que sur les Auvergnats. Dans le nord, à Soissons, la direction de Michelin a déjà annoncé la fermeture prochaine de l'usine Volbert, spécialisée en pneumatique de vélo. 451 ouvriers sont sacrifiés sur l'autel de la concurrence avec les entreprises chinoises. Le 21 septembre 1999, 4000 personnes défilent dans la petite commune de 30 000 âmes. Plus encore qu'à Clermont, où selon la direction, 2000 salariés prennent part à ce premier défilé contre l'annonce des suppressions d'emplois décidées par le fils Michelin. Et dans les rues de la capitale auvergnate, Édouard devient Brutus, car il est bien question de tuer le père. L'avenue Édouard Michelin, rebaptisée avenue du plein emploi, jour de colère chez Bibendum. Ils étaient 2000 dans les rues de Clermont-Ferrand. L'annonce il y a quelques jours de 7500 suppressions d'emplois au moment où Michelin affiche 17% de hausse de son bénéfice fait hurler les salariés. Moi je dis que Michelin tout de suite il se fout de notre gueule puisqu'il a fait du bénéfice, on attend notre argent des participations, on voudrait un petit peu du beurre pour mettre dans nos épinards. Il y a Michelin et il y a les filiales. Volbert, qui fabrique des pneus pour cycles à Soissons, a annoncé la cessation de ses activités. 5000 personnes ont manifesté cet après-midi. Les magasins ont baissé les stores en signe de solidarité. Opération ville morte. Déjà l'emploi dans le Soissonnais est déjà suffisamment touché. Donc maintenant on nous ferme nous. On va pas pouvoir se reclasser, il n'y a rien à Soissons. Donc il faut qu'on se batte pour garder ce qu'on a ici. Les syndicats de Michelin attendent maintenant le comité central d'entreprise. Il aura lieu le 29 septembre prochain. Les Bib en appellent à la responsabilité de l'État français. La responsabilité de l'État. Elle est résumée par la déclaration d'impuissance et de démission de Lionel Jospin face au grand totem de la gauche social-démocrate qu'est l'État-providence. Cette fameuse phrase « Il ne faut pas tout attendre de l'État ». Le pouvoir socialiste est bien sûr déstabilisé. La prestation de Lionel Jospin au JT de 20h a semé le trouble. Alors que l'ensemble de la classe politique de gauche s'insurge contre les manœuvres de Michelin, appelant au boycott de leurs pneus et aux suppressions des aides publiques, le Premier ministre serait-il en train de mollir face aux libéraux? Le 27 septembre, il est à Strasbourg pour un grand discours devant les parlementaires socialistes. Et là, il rectifie le tir. L'État ne paiera pas un centime pour les plans sociaux de Michelin, affirme-t-il. Par la suite, le gouvernement multiplie les effets d'annonce. Des amendements dits « amendements Michelin » vont être apportés à la loi sur les 35 heures. Un ensemble de mesures pour empêcher une entreprise de licencier économiquement en cas de bénéfice. On parle même d'un retour du contrôle administratif sur les licenciements, comme il était en vigueur jusqu'en 1986. Mais ces mesures ne verront jamais le jour, retoquées des mois plus tard par le Conseil constitutionnel. Quant aux ouvriers Bib, ils comptent aujourd'hui leurs survivants. Le plan de 1999 n'a été qu'une étape dans le lent démantèlement de leur usine de production en France, entamé il y a 30 ans, au nom d'un besoin de compétitivité jamais rassasié. Alors, que peut réellement l'État face à l'inéluctable? La phrase de Jospin n'est pas que symbolique. Elle résonne également comme un lapsus, tant le jeu du pouvoir socialiste à l'égard des entreprises françaises et du marché est trouble. Dans le cadre des négociations sur l'application de la loi sur les 35 heures, ordre est d'ailleurs donné aux ministres et aux parlementaires de lâcher la grappe aux entreprises. Et si l'on creuse encore, comme le fait Bruno Amable dans son ouvrage « La résistible ascension du néolibéralisme », l'ambiguïté de la politique du gouvernement Jospin n'apparaît que plus éclatante. D'un côté, en effet, la semaine de 35 heures, propre à faire rêver la glorieuse mémoire de Léon Blum, mais de l'autre, les années Jospin se soldent par une campagne de privatisation massive des entreprises publiques, d'une série de mesures de libéralisation des marchés financiers et de nombreux compromis en faveur des néolibéraux sur la gouvernance d'entreprise. Autrement dit, la digue cède, l'économie mixte à la française est condamnée, la disparition de son appareil productif est actée. Dès 2001, deux nouveaux plans sociaux en effet secouent le pays, mettant le gouvernement Jospin aux prises avec son impuissance. La méthode utilisée par Marks & Spencer pour annoncer 1700 licenciements n'a visiblement pas plu à Lionel Jospin. Les responsables des magasins en France ont été informés par la direction britannique en même temps que la presse et la bourse, par un simple email. Malheureusement, les collègues sont là, nous sommes sans emploi dans pas longtemps. Donc qu'est-ce que fait le gouvernement justement par rapport à ça? Qu'est-ce que compte faire M. Jospin justement pour éviter que nous soyons à la rue et qu'on puisse retrouver très rapidement un emploi? C'est également la question que l'on se pose à l'usine Lu de Calais, frappée de fermeture par le plan social version Danone. Découragés, les salariés attendent plus que des mots du Premier ministre. C'est bien, mais c'est peut-être pas encore assez, parce qu'il a juste dit qu'il était contre, mais il n'a rien fait pour l'empêcher, parce qu'il était plus ou moins au courant de ce plan. C'est à la suite de ces annonces de licenciement collectif chez Lu et Marks & Spencer que le patron des députés communistes, Alain Bocquet, invente l'expression de licenciement boursier. Sa formule, extrêmement pertinente car elle correspond à une réalité factuelle, devient un hit médiatique, bientôt repris par toute la classe politique et ressurgissant à chaque annonce de plan social considéré comme injuste. À vrai dire, ni dans le cas de Michelin, ni dans celui de Danone Lu, l'annonce des licenciements n'a eu un impact significatif et durable sur l'action en bourse des entreprises. Il paraît ainsi un peu rapide de considérer ces licenciements collectifs comme de simples cadeaux faits aux actionnaires. Mais l'expression « licenciement boursier » reflète à merveille la sinistrose qui s'abat en France face aux lois du marché mondial et à l'impuissance de l'État. Alcatel, Avantis, Valeo, Moulinex, EDF, Hewlett-Packard, Seb, Solvay, France Télécom, Heineken, ArcelorMittal, à chaque fois, des licenciements collectifs, des plans sociaux, des fermetures d'usines, puis des promesses déçues des hommes d'État. Michelin n'a fait qu'ouvrir la voie, d'aucuns préféraient quand ces Michelines occupaient les voies. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Michelin et les licenciements boursiers, notre invité aujourd'hui, Marc Chevalier, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Alternative Économique. Alors, on a été sévère avec l'État. On rappelle qu'à partir du moment où des grandes signatures sont effectuées dans le mécano industriel mondial, l'État est dans une position difficile, bien sûr, bien sûr. Mais le cas de Michelin en 99 est symbolique. D'accord. Mais depuis quand les grandes entreprises françaises ont-elles commencé leur conversion pratique néolibérale mondialisée, à votre avis? Parce que ça semble antérieur à Michelin. Bah, effectivement, c'est un processus qui a été très progressif, hein, et dont on peut dire que le coup d'envoi a été donné en 1986, lorsque la droite est revenue au pouvoir. Et là, elle a voulu revenir en fait sur le mouvement des nationalisations, qui avait été très important, mis en place par François Mitterrand quand il était arrivé à la présidence de la République. Et donc, on a commencé à privatiser beaucoup d'entreprises françaises. Ce mouvement s'est poursuivi tout au long des années 90 et votre documentaire le soulevait en fait. Ça n'a pas été, il n'y a pas eu d'inflexion en fait sous le gouvernement de Lionel Jospin lorsque la gauche est revenue au pouvoir. Donc ça c'est un élément très structurant parce que ça a impliqué beaucoup de choses. On a d'abord mis en place ce qu'on appelait les entreprises étaient liées entre elles, mais oui. Les entreprises privatisées. Puis finalement ces nœuds se sont déliés et c'est là où en fait où les entreprises ont commencé commencé à s'émanciper un peu de leurs racines, les grandes entreprises, de leurs racines nationales. Donc, et dans le même temps, il y a un autre mouvement de fond, c'est l'internationalisation. Tout le monde s'est lancé dans l'internationalisation. Et pour ça, il fallait des moyens. Donc, les entreprises qui étaient privatisées ont ouvert leur capital à des actionnaires et souvent étrangers. Hein. Oui. En 1999, on estimait qu'il y avait 36% du capital des entreprises françaises, des grandes entreprises, celles du CAC 40, qui étaient possédées par ce qu'on appelle des non-résidents, c'est-à-dire... Investisseurs étrangers. Voilà, des investisseurs étrangers. En 2000, un an plus tard, on était monté à 40%. Mmh. Donc ce taux n'a cessé de s'élever durant la première décennie 2000 jusqu'à atteindre presque 50%. Aujourd'hui, il est redescendu à peu près à ce niveau-là, à 40%. Mais on voit bien que c'est un mouvement qui vient de loin, je vous dis, qui commence en 86 à peu près. Oui, dans les années 80, plus Jacques Chirac était dans une période où il adhérait vraiment au libéralisme, et on est dans la décennie marquée par l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir, et qu'il dit, l'une de ses premières déclarations, il dit « The state is problem », le problème c'est l'État. Donc cette volonté de réduire la part de l'État dans les agents économiques. Exactement, oui. Et on est vraiment là-dedans, quoi. Donc la France est embarquée dans ce mouvement-là. D'autant qu'à la suite des nationalisations de 80, en fait, il y avait le secteur public, les entreprises publiques, c'était un gros employeur en France. Bien donc sûr. Réduire, en fait, la place de l'État dans l'économie française, ça voulait dire, effectivement, vendre des entreprises qui étaient des entreprises publiques. C'est comme ça que tout un tas de fleurons ont disparu. Mais ce mouvement, en fait, il y a eu des conséquences effectivement en cascade, c'est-à-dire que quand on a ouvert le capital de ces entreprises et qu'on a fait rentrer des investisseurs très souvent anglo-saxons, hein, les fameux fonds de pension qui sont devenus un peu un bouc émissaire quand quelque chose allait mal, effectivement, quand une décision semblait prise qui semblait aller contre l'emploi, etc. en France, ça a eu des conséquences sur effectivement la gestion des entreprises. Alors peut-être pas aussi mathématique ou systématique que ce qu'on disait à travers la notion de licenciement boursier. Vous l'avez dit, quand Michelin a annoncé des licenciements, l'action a augmenté le lendemain. Mais quelques jours après, ce qu'on oublie, c'est qu'elle a baissé. Et 6 mois après, quand ils ont publié leurs résultats, qui montraient les résultats qui étaient en baisse à cause du coût des plans sociaux, l'action a baissé. Donc, c'est un peu absurde. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ces investisseurs institutionnels, comme on les appelle, comme les fonds de pension, n'ont pas eu d'influence, effectivement, sur la gestion des entreprises françaises. Ils demandaient plusieurs choses. Ils demandaient de la clarté, d'abord. Donc, ils demandaient... très souvent, les entreprises françaises, c'était des gros conglomérats. C'est-à-dire qu'elles faisaient plein de choses. L'ancêtre d'Alcatel-Alstom, c'était la CGE, ce qu'on appelle la CGE. Elle était présente dans des tas de secteurs. Compagnie Générale des Eaux. La Compagnie Générale des Eaux. Et donc, on a demandé à ces entreprises de se séparer de toutes leurs activités annexes. Et c'est un peu ce qu'était finalement ce que fait Michelin, en fait, en se séparant de cette usine qui fabrique des cycles, enfin des pneus vélo. Pardon, de pour vélo. Ouais. Sont des éléments sans grande valeur ajoutée. On se dit bon, ça c'est pas dans votre cœur de métier, donc débarrassez-vous. Et pourtant, fabriquer des pneus, ça reste le cœur de métier. Oui, mais c'était des pneus pour vélo. À l'époque, le vélo, c'était pas... C'est fallacieux quand même, comme argument. Voilà. Bon. Oui, c'est fallacieux, effectivement, mais c'est leur logique. C'est-à-dire, ils veulent des entreprises avec des périmètres d'activité clairs. Donc, tout ce qui ne semble pas être leur cœur de métier, on peut le redéfinir à loisir, doit disparaître. Mm-hmm. Ils veulent de la transparence sur les comptes. Et ça, on a vu, vous l'avez dit vous-même, que Michelin était le roi de l'opacité, en fait, aussi, dans toute la gestion de l'entreprise. Donc, c'est des exigences qui, effectivement, petit à petit, sont intégrées par les grandes entreprises françaises. Et c'est un choc culturel massif en France, parce que c'est conjugué à une culture très technocratique des élites qui sont à la tête des entreprises, qui ont une conception de management très autoritaire et très verticale. Alors, est-ce que c'est ce phénomène qui est à l'origine, non pas de la disparition de l'industrie française, elle n'a pas disparu, mais de l'affaissement de l'industrie française, ou est-ce que c'est d'abord le processus de désindustrialisation qui compte? Ou est-ce que les deux sont liés, finalement? Le processus de désindustrialisation, il n'a pas commencé avec cette transformation des grands groupes français. Mm-hmm. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ce processus y a contribué, puisque ça voulait dire éliminer plein d'activités, ça voulait dire, puisqu'on s'internationalise, qu'on veut s'implanter en Chine, usines, par exemple c'était le cas d'Alcatel, on ferme des usines en France pour aller servir le client au plus près. Mmh. Donc effectivement, ça a eu des conséquences en termes d'accélération de la désindustrialisation. France Inter. Affaire sensible. Marc Chevalier, avant d'aborder l'aspect le plus politique de cette affaire, autrement dit la phrase de Lionel Jospin, tout ce qu'elle sous-tend, rappelons quand même que Michelin, en tant qu'entreprise paternaliste, a été un énorme succès. Ça a commencé au début du siècle avec le Tour de France, je crois. Michelin a trouvé des pneus pour les vélos plus faciles à réparer que ceux qu'on utilisait à l'époque. Et puis après, il y a eu les cartes Michelin, enfin tout ce que vous connaissez. Et oui, bien sûr. Et donc, cette entreprise paternaliste qui organise la vie sociale de la ville dans laquelle sont implantées les usines, autour de laquelle sont implantées les usines. Est-ce qu'il reste des modèles comme ça aujourd'hui en France ? Il en reste, mais pas de cette taille-là, de la taille de Michelin. C'est vraiment plutôt une exception dans le champ des grandes entreprises, compris un tournant plus. Effectivement, il y a beaucoup, la présence du capitalisme familial est plutôt à des niveaux des PME. PME, voilà. D'accord. Ouais. Alors, l'État ne peut pas tout. Comment interpréter cette phrase au moment où elle est dite? Qu'est-ce que, selon vous, elle sous-tend? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette phrase? Alors, elle l'a pas vraiment prononcée, déjà. Oui, parce que c'est intéressant qu'on ait retenu, en fait, de ce qu'il a dit, qu'on l'ait résumé sous cette formule-là, puisqu'il a dit plutôt, il faut pas tout attendre de l'État. Tout attendre de l'État. Ouais, et du gouvernement, et je ne crois pas qu'on puisse administrer désormais l'économie. Je pense que ça voulait dire plusieurs choses. Ça voulait dire, par rapport à ce qu'était le logiciel du socialisme français jusqu'ici et qui avait été très marqué par les nationalisations en 80, on en parlait tout à l'heure, ça voulait dire on ne va pas refaire ça, on va pas renationaliser, on va pas intervenir dans l'économie de cette manière. Donc lui était plutôt porteur d'un discours qui disait on va mener une politique sociale démocrate, c'est-à-dire un socialisme qui accepte l'économie c'est de marché. Ce qu'on appelle l'économie sociale de marché. C'est pas tout à fait la même chose. Notion, non, c'est pas la même chose. Continuons. Non, la social-démocratie, c'est plus une option politique, on va dire. Oui, j'entends bien, mais je parlais pas de l'option politique, je parler de l'adhésion à une certaine forme d'économie. La part des socialistes parlait souvent de économie sociale de marché. Ce sont que des mots. Allez-y, continuez. Donc oui, une politique social-démocrate, donc un peu inspirée par ce qu'ont pu mettre en place par les pays scandinaves ou l'Allemagne, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, ce qui ressemble à un aveu d'impuissance, il est contemporain, vous l'avez dit, de la mise en place des 35 heures. La mise en place des 35 heures, c'est quand même C'est un élément très important, évidemment. Oui, c'est la dernière grande politique publique d'emploi qui a été mise en place en France. Donc, paradoxalement, c'était une démonstration de puissance de l'État qui était assez importante. Mais effectivement, ce que disait Jospin, c'est en fait, on ne va pas intervenir directement au niveau des stratégies industrielles de chaque entreprise. Et quand il se référait finalement à la social-démocratie, il y avait une forme d'impensé, ou alors il n'est pas allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que un des outils importants dans les pays qui ont mis en place, enfin qui se revendiquent de la social-démocratie, c'est ce qu'on appelle le principe de la codétermination, c'est-à-dire la participation des salariés aux organes de pouvoir des entreprises. Ce qu'aurait pu faire à ce moment-là le gouvernement Jospin, c'est aller dans ce sens-là. En Allemagne, la totalité des très grandes entreprises compte entre 30 et 50%. Et cogère. Voilà. Cogère avec voilà. les syndicats. Voilà. C'est typiquement le modèle allemand. Entre 30 et 50% des sièges au conseil de surveillance, l'équivalent des conseils d'administration, sont occupés par des représentants des salariés. Ça implique un mode de gestion totalement différent Bien des sûr. Entreprises. L'emploi est beaucoup plus géré dans la durée, etc. Mais merci infiniment. Au revoir. Et affaires sensibles aujourd'hui, licenciement chez Michelin ou l'impuissance de l'État, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau.